très bel après-midi. Tout de suite, Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Genève est la ville russe la plus grande de Suisse. C'est là où la communauté russe est la plus importante. Cette semaine, terre de promesses, terre d'exil. Les Suisses établis en Russie étaient environ 10 000 avant la Révolution. 8 000 d'entre eux ont pris la fuite entre le printemps et l'automne 1918, après la prise de pouvoir par les bolcheviks. Suisse, Russie et retour. L'arrivée de mon grand-père, donc le moment où il a quitté la Russie, c'est 1905, à l'époque des grands pogroms. Il était marié, il avait 3 enfants. C'était beaucoup trop risqué de rester là-bas. Elle nous a tous raconté cette enfance en Russie comme l'évocation d'un Eldorado, d'un monde perdu. Durant les mois qui ont suivi la révolution d'octobre 1917, contraints par l'effondrement de leurs activités économiques, le désordre et la guerre, des milliers de Suisses qui résidaient en Russie depuis des années, voire des décennies, se sont échappés. Ils fuient aussi à cause de la nationalisation des entreprises et la réquisition des terres imposées par les autorités bolcheviques. Les Suisses étaient arrivés en Russie à partir de la fin du XVIIe siècle, attirés par les promesses d'un pays qui cherchait des professionnels et des spécialistes en Europe occidentale. Près de 20 000 Suisses se seront ainsi installés en Russie jusqu'en 1917. Dans les principales villes russes, des sociétés et des clubs ont été fondés regroupant les Suisses. La construction, l'industrie, l'hôtellerie, l'agriculture, l'éducation, les Suisses étaient implantés dans de nombreux secteurs économiques. Pour eux, la révolution de 1918 marquera la fin d'une époque. Voici le sujet que vous pourrez découvrir dimanche prochain dans le nouveau documentaire d'Histoire vivante, 1918, fuite des Suisses de Russie. Un jour, à l'âge de 16 ans, j'ai découvert le journal de mon arrière-grand-père Michele. Je l'ai immédiatement parcouru. Et ce qui m'a tout de suite frappé, c'est qu'il était en faveur de la révolution russe. Il entrevoyait un changement très positif de la société russe. Alors qu'en fait, en très peu de temps, il s'est rendu compte que ce n'était pas ce qu'il avait attendu. Il a pris la décision de fuir parce que sa vie et celle de ses proches étaient en grand danger. Extrait de 1918, fuite des Suisses de Russie, de Ruben Rossello. Alors, voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, en sachant quand même que vous fréquentez assez régulièrement ce micro, cher Christophe Villemier. Christophe Villemier, historien indépendant. Historien indépendant. Oui, mais vous vous rendez bien compte que la carte de visite est un peu courte quand on dit ça. C'est un peu court, c'est-à-dire que je travaille hors institution universitaire tout en ayant les titres. Je suis également membre de différentes sociétés savantes, notamment la Société Suisse d'Histoire, la Société d'Histoire de la Suisse romande, diverses entités qui représentent des plateformes, des nœuds de savoir et de connaissances par lesquels je peux travailler assez aisément. Ça vous est venu d'où, vous, ce goût de l'histoire ? Astérix, tout petit, 12 ans. Alors enfin, un historien honnête qui fait des aveux sincères. C'est une passion d'enfance, c'est une passion d'enfance et j'ai le plaisir, la chance de pouvoir l'exercer professionnellement tous les jours. Et c'est une chance inestimable de faire ce qu'on aime, une passion. On travaille jamais, on est tout le temps en vacances, si on veut bien. Vos domaines à vous, vous avez des centres d'intérêt plus marqués ? Académiquement, j'avais terminé ma thèse de doctorat sur le XVIIe siècle, les élites politiques, en l'occurrence les élites genevoises. Depuis 10 ans, je travaille plus particulièrement sur la Première Guerre mondiale, sur l'espionnage, sur des sujets donc beaucoup plus contemporains, si vous voulez bien. L'histoire de la Suisse, évidemment. On dit souvent de moi que je suis un peu un généraliste. Alors c'est vrai, je vais un peu là où me pousse le vent, en fonction des sujets de recherche et des thématiques que je peux déterrer. Comment avez-vous appris le métier ? J'ai fait mes études à l'université à Genève. J'ai complété en Sorbonne, à Paris, évidemment. Et puis j'ai terminé ma thèse de doctorat en partie à Princeton, aux États-Unis. Intéressant d'entendre les formations, puisque vous avez pu à la fois être formé vous-même ici et puis aux États-Unis. Est-ce que vous diriez que sensiblement les formations se valent ou elles sont assez différentes? Il y a évidemment des écoles qui sont très différentes. À Paris, par exemple, je me suis spécialisé en prosopographie, un terme un peu barbare, que les historiens reconnaîtront aisément. Mais pas forcément les auditeurs. Mais pas forcément les auditeurs. La prosopographie, c'est une méthodologie scientifique, si vous voulez, qu'on applique en histoire, mais qu'on peut appliquer à d'autres domaines, comme la sociologie, par exemple, où on tire des séries. Et puis après, il s'agit de définir les dénominateurs communs dans ces séries, par exemple sur un groupe d'individus, 100, 200, 3000 individus, qu'est-ce qui peut être un dénominateur commun à ces gens, et ensuite, quelles sont les tendances sociales sur une période donnée. On tire des conclusions qui sont, en règle générale, assez intéressantes. Pour répondre plus avant à votre question, je dirais qu'aux États-Unis, les études sont relativement similaires à celles que l'on opère en Europe, si vous voulez bien. Les thématiques abordées, par exemple, diffèrent passablement. Une des thématiques les plus courues actuellement aux États-Unis, c'est évidemment l'esclavage. L'histoire de l'esclavage, l'histoire de la traite des Noirs. Et l'historiographie genrée également, qui compte énormément. Absolument, bien sûr. Et puis, aux États-Unis, les grandes thématiques, elles sont connues, elles sont éclusées, je dirais même jusqu'à la corde, la guerre de sécession, la guerre d'indépendance, les deux guerres mondiales, la guerre de Corée un peu moins, le Vietnam, ça commence aussi. Donc évidemment, les thématiques sont pas tout à fait les mêmes qu'en Europe. Nous allons parler d'un article que vous avez rédigé, Les exilés du Don, mais avant que nous en parlions, j'aimerais bien que vous nous expliquiez comment vous vous retrouvez à écrire cet article. Certes, vous avez commencé, vous avez bien fait de le dire, moi je suis historien indépendant, donc sous-entendu, je me vends à qui m'achète, mais comment la connexion s'est-elle faite ? Ah, je suis pas forcément mercenaire, je me vends pas forcément à qui m'achète, il y a quand même une éthique professionnelle à respecter. Et puis, j'écris des articles ou des fois des livres, simplement pour le plaisir, sans forcément pour qu'il y ait de l'argent à la clé. Là, en l'occurrence, Ivan Slatkin, avec qui je travaille assez fréquemment, parce qu'on a fait plusieurs livres ensemble, me dit un jour, ah ben voilà, ça va être le jubilé de ma société, on a créé les éditions il y a une centaine d'années, je vais faire un petit livre, est-ce que ça t'intéresserait d'écrire quelque chose ? Je lui dis oui, bien sûr, ça m'intéresse, et il me demande, ben réfléchis, et puis propose-moi quelque chose. J'ai réfléchi pas bien longtemps parce que je connaissais un peu cette histoire de la famille Slatkin qui était arrivée en fait de Rostov-sur-le-Don en Suisse en 1905 et puis j'ai proposé d'écrire là-dessus, d'essayer de décrire cette histoire qu'il connaissait très mal lui-même, que la famille conserve en partie seulement et puis je me suis attelé à la tâche. Vous connaissiez par quelle chance, hasard ? J'avais eu des bribes de cette histoire en discutant une fois précédemment avec Ivan, sa famille, comment est-ce que la maison d'édition, enfin l'ancienne librairie, avait été créée, dans quelles conditions. Il m'avait articulé quelques éléments sans entrer dans les précisions, et puis ça m'avait intéressé. Voilà. Permettez que je vous lise. Dans le delta du Don, à 50 km de la mer d'Azov, fenêtre sur la mer Noire et l'Occident, Rostov est, en cette fin de 19e siècle, une ville industrieuse où blés ukrainiens, caviar de la Caspienne et étoffes orientales venues d'Astrakhan ou de lointains caravansérails sont vendus et échangés par des marchands levantins, russes et occidentaux. Dans ces quartiers cosmopolites, peuplés de juifs, d'arméniens, mais également de cosaques et de grecs pontiques, les langues se mélangent, les cultures se métissent, les saveurs se déclinent du plus suave au plus épicé, le passé rencontrant le progrès. Car dans ces confins, aux portes d'un Orient souvent fantasmé, les cités qu'elles se nomment Odessa, Smyrne ou Rostov, la Marmoréenne, sont les carrefours de civilisations séculaires et de traditions honorées sous des ciels depuis des âges, aussi bien que les théâtres de folles entreprises rêvées par quelques amoureux de la modernité. Si vous deviez être notre guide, Christophe Villemier, de cette ville à l'époque, on commencerait par quel quartier ? On commencerait par quel... Le port, assurément. Le port, qui est l'organe central, si vous voulez, qui est le cœur de la cité. Elle a été créée au XVIIIe siècle, hein, par Catherine II, comme comptoir, dans des confins qui étaient évidemment extrêmement instables. Elle s'est développée au cours du XIXe siècle. Elle a pris des accents très européens, rapidement. On a construit des bâtiments un petit peu comme en France, un petit peu comme en Angleterre. Parce que les architectes étaient moscovites, et des moscovites qui étaient extrêmement imprégnés de culture occidentale. Tournés vers l'Occident. Oui. Et puis c'était marqué aussi la civilisation, la Russie blanche, dans un endroit très éloigné, dans une terre quand même encore relativement sauvage. Et c'est là... C'est à ce moment-là que Rostov est devenu un petit peu un nœud, si vous voulez, un nœud commercial entre l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud. L'élément central de ce nœud commercial, le port, évidemment. En termes de population, c'est une ville importante ? Une petite ville à ses débuts. En 1880, la cité compte, en l'occurrence, en parlant de la communauté juive, quelques 500 âmes. C'est quelques milliers de personnes encore, hein. C'est une toute petite ville. À la fin du 19e siècle, elle va connaître une expansion démographique extrêmement importante, qui est liée au développement des chemins de fer. Les Russes construisent des chemins de fer à proximité, à quelques dizaines de kilomètres, pour relier des grands axes. Et évidemment, cette effervescence, c'est un peu comme dans l'Ouest américain, hein, la construction des chemins de fer, c'est exactement le même principe. Cette effervescence va faire exploser la démographie de la ville. Les gens affluent pour y trouver du travail, on le trouve très aisément. Les 500 âmes juives de 1880 en 1897 se révèlent être 12 000. C'est dire l'expansion extrêmement importante en peu d'années. Et puis, il y a toute la bourgeoisie qui se constitue de la ville. Donc ça veut dire des marchands qui s'établissent, leurs commis évidemment. Qui dit bourgeoisie dit évidemment professeur. Toute une élite comme ça qui se constitue progressivement, certains venant de Moscou. Des Européens également, des capitaines d'industrie qui viennent parce qu'ils sentent le goût de l'argent, n'est-ce pas ? Il y a des investissements à faire. Et ils investissent beaucoup. On construit des usines. Ah, voilà, de nouvelles places de travail se créent pour des ouvriers. Et ainsi, la cité se développe. Donc Rostov devient, pendant ce temps-là, un immense chantier, on l'imagine. C'est un immense chantier, effectivement. Nouveaux bâtiments pour l'habitat, pour le travail ? Pour le travail, mais des bâtiments publics aussi. Pour revenir à la communauté juive, les juifs reçoivent l'autorisation de construire des synagogues. On en construit en 1875, on en construit encore une autre en 1882. On l'appelle la synagogue des soldats. Elle est bâtie par des vétérans de campagne russe faite à Boukhara et en Ouzbékistan. Des écoles, évidemment, un hôpital, voilà, des bâtiments publics. Ces communautés, puisqu'il s'agit de plusieurs communautés, on est à la fin du 19e siècle, comment s'entendent-elles alors entre elles, en sachant qu'il va y avoir un moment où ça va quelque peu se durcir ? Là, on est, semble-t-il, à vous entendre, Christophe Villemier, dans un moment où ça a plutôt tendance, pour des raisons que vous nous avez d'ailleurs expliquées, ça fait aimant, donc il y a du monde, on n'a pas le temps de se chamailler, on est déjà obligé de trouver une place pour se loger et puis un endroit pour travailler. Ça veut dire que cette époque-là est plutôt une époque pacifique ? C'est très relatif. La cité est évidemment multiculturelle. On y trouve plusieurs confessions, plusieurs ethnies, plusieurs cultures différentes. On a des Cosaques ultra-orthodoxes, extrêmement fiers. D'ailleurs, Rostov est bâti sur leur terre, hein, leur terre ancestrale. On a des marchands venus d'Asie, on a des Occidentaux, on a les Juifs également. Et tout ce petit monde se côtoie plus ou moins bien. Plus ou moins bien, il y a évidemment des périodes de tension. Et puis, il y a l'antisémitisme qui monte progressivement, de plus en plus fort. Il y a déjà les pogroms en 1880, un peu plus loin en Russie. À ce moment-là, Rostov n'est pas tellement touché, elle le sera plus tard, en 1905. Est-ce à dire que, pour le moment en tout cas, les communautés vivent en communauté, et qu'on trouve donc dans Rostov des quartiers qui cosaques, qui juifs, etc. On trouve des un peu comme à Odessa, si vous voulez, on trouve des quartiers de ce type-là, ouais, qui sont extrêmement typés, où les juifs vont plutôt se tenir dans ce quartier-là, les grecs plutôt dans tel autre quartier, etc. Ouais, effectivement. Est-ce que les communautés ont leur spécialité professionnelle ? On peut l'imaginer, pour les cosaques, pour les grecs, pour les juifs, chacun travaille dans sa ou ses spécialités ? Pas forcément. Les Grecs sont à l'évidence facilement marchands, facilement employés maritimes ou ferroviaires, les Juifs aussi, mais on trouve de toutes les professions et de toutes les confessions. Il n'y a pas véritablement de partage à ce niveau-là, si on veut bien. Huyemier, historien. 1880, dans les années 1880-88, Rostov sur le Don, qui a une tolérance des tsars pour les confessions, notamment les confessions juives. Il y a un pic d'antisémitisme qui monte. On veut refouler les juifs, on veut les chasser. C'est un phénomène qui est assez ample à la Russie. Quelques leaders de la communauté juive vont réussir à convaincre les autorités russes d'éviter ce nouvel exil, notamment pour des motifs économiques, évidemment. Si cette notion des pogroms est maintenant connue de la plupart de ceux qui nous écoutent, les raisons des pogroms ne sont pas forcément toutes identifiées. Est-ce qu'on a fait un peu le tour de ces raisons-là? Et ces raisons-là sont-elles multiples? Je pense pas qu'on ait fait le tour de ces génocides, que ce soit les pogroms qui se sont effectués en Russie à la fin du 19e siècle ou plus tard ou dans d'autres régions du monde. Vous savez, les génocides, il y en a eu de tout temps pour des raisons multiples. En l'occurrence, pour la période et le lieu qui nous concerne aujourd'hui, les raisons, elles sont évidemment d'ordre économique le plus souvent et puis culturel. Et pour dire, les Cosaques ultra-orthodoxes que j'évoquais précédemment sont évidemment des gens qui ont une croyance extrêmement forte, c'est des fervents. Donc tout ce qui n'est pas chrétien orthodoxe ne peut être que mauvais. Ça, c'est un peu les raisons fondamentales. Mais les pogroms, c'est d'abord et essentiellement la communauté juive. C'est la communauté juive, évidemment, qui fait l'essentiel des victimes. Et puis, ne pas oublier non plus qu'on évolue dans un monde qui est soumis à des pressions et puis à des tensions extrêmement fortes. La Russie est proche de sa fin. Les anarchistes courent les rues. De nombreux complots, réels ou fantasmés, contre le régime. On sait qu'en 1905, il y aura la révolution avortée. Et parmi ces complotistes, parmi ces révolutionnaires, un mouvement juif en l'occurrence, existe. On pense dans les esprits d'alors facilement révolutionnaire égale juif, juif égale révolutionnaire. Ils sont associés, c'est aussi. Ouais. D'ailleurs, en 1917, lorsque toute cette région-là est soumise à des aléas incroyables entre les armées allemandes, les armées blanches, les armées rouges, etc., ceux qui sont aisément les victimes au détour d'un chemin, ce sont des juifs. L'armée blanche, donc l'armée tsariste, on veut bien, les royalistes, estiment très souvent qu'on trouve un juif, c'est un révolutionnaire. Donc on l'exécute. Christophe Villemier, venons-en à la famille Sletkin, dont nous allons parler à la fois avec vous et puis également les prochains jours, notamment en compagnie de Michel-Édouard Sletkin. Menahem Mendel Sletkin est né, ou serait né, peut-être, en 1875. Qui est-il? Quelle est sa famille? Où atterrit-il, ce nouveau venu, ce nouveau-né? Mendel Sletkin est effectivement en 1875. Il naît à Rostov. Il est le fils d'un homme venu peut-être de Vilnius, peut-être d'Ukraine. C'est un rabbin, quelqu'un d'extrêmement cultivé, un lettré. On n'a pas véritablement conservé le nom de cet aïeul. On a quelques doutes sur ses origines exactes. Mais soit Vilnius, soit l'Ukraine, les deux endroits où la communauté juive sont la plus prégnante en Russie. Il naît en 1875 dans cette ville qui compte alors, je le disais tout à l'heure, quelques 500 âmes juives. Son père le destine très rapidement à des études rabbiniques parce que l'enfant, déjà tout jeune, à l'âge de 6-7 ans, montre des capacités extraordinaires pour les langues. On sait qu'il va parler une vingtaine de langues, et c'est pas rien, le russe, l'allemand, le français, le grec, le perse, etc. Donc des langues qui vont lui servir bien plus tard. À l'âge de 12 ans, 12-13 ans, son père décide de l'envoyer dans une yeshiva en Lituanie, la yeshiva de Volochine, qui est un centre intellectuel juif extrêmement important pour la Russie d'alors. La yeshiva étant le centre d'études... Un centre d'études juives du Talmud et de la Torah, exactement. Et ça tombe relativement bien, ce départ, parce que c'est à ce moment-là où les autorités russes essayent de repousser, de chasser les juifs de Rostov. Donc, c'est mettre le fils à l'abri de ces vicissitudes. L'enfant, Mendel, va suivre une formation, mais pas bien longtemps, parce que la yeshiva de Volochine, en Lituanie, est elle aussi soumise à des pressions de la part des autorités russes, qui avait déjà interdit l'alphabet latin, héritage de l'ancienne occupation polonaise, imposant donc le cyrillique, et qui maintenant allait imposer à la yeshiva des études séculaires. Évidemment, une hérésie, ce qui fait que la yeshiva va fermer ses portes. Et le jeune Mendel, il n'a pas 18 ans, il est obligé de rentrer chez lui. On est en 1892, il rentre à Rostov. C'est quand même plusieurs milliers de kilomètres entre la Lituanie et puis Rostov sur le Don. Et il rentre chez lui seul, et il tombe sur une épidémie qui sont encore extrêmement fréquentes à ce moment-là, une épidémie de choléra qui va tuer un grand nombre de personnes dans la ville. Lui en réchappe. Son père, mort depuis quelques mois, il est l'aîné des enfants. C'est à lui d'assurer la subsistance de sa famille. Alors, il va passer d'un petit métier à un autre. À un moment, il sera serrurier. À un autre moment, il sera portefeuille, etc. Jusqu'au jour où on va lui faire une proposition, on va lui suggérer de suivre une profession, enfin, de suivre une formation d'assureur. Évidemment, beaucoup de commerçants gravitent dans la sphère juive et puis autour de la famille Slatkin. On se souvient du père rabbin. Donc, une référence intellectuelle, une référence spirituelle. Il bénéficie sans doute de cette ascendance lorsqu'on lui fait cette proposition, parce qu'évidemment, assureur, à ce moment-là, dans un lieu comme Rostov, ça s'assurait une vie relativement confortable avec un peu d'argent. Il va souscrire à la proposition et il va constituer bientôt une petite société, sans doute avec un ou des associés. Là, l'histoire n'en a pas gardé trace. Mais il va faire des affaires qui vont fructifier, assurant des cargaisons de bateaux, assurant des caravanes partant vers l'Orient, etc. Il va se constituer une petite fortune avec laquelle il va pouvoir assouvir une passion qui est elle aussi un héritage de son père, c'est-à-dire les livres. À cet endroit du récit, Christophe Villemier, je me suis interrogé en me disant, mais qu'est-ce que ce cher historien a bien pu avoir sous le nez pour arriver à retracer aussi... précisément, justement, tout ce parcours, la famille Slatkin, Menahem lui-même, a-t-il semé des petits cailloux sur son chemin et raconté précisément en chemin cette histoire-là? En 1942, l'Obersturmbannführer Kurt Christmann commandait le Sonderkommando 10A. Et en 1942, l'intégralité de la communauté juive de Rostov est liquidée. C'est la fameuse histoire des camions à gaz. Les nazis ne s'occupent pas seulement des gens, ils s'occupent évidemment de leurs biens. Toute la mémoire juive de Rostov en 1942 est complètement anéantie. Dès lors, les archives de Rostov ne comportent quasiment plus rien sur l'existence et le passé juif de Rostov, si ce n'est quelques généralités, mais vous pensez bien que des histoires de famille, il n'y a plus du tout sur les lieux. Dès lors, il a fallu se tourner aux archives fédérales, aux archives d'État du canton de Genève, et puis dans des sources secondaires également, la famille, la mémoire de la famille. Et c'est finalement comme un puzzle qu'on essaie de reconstituer. On se rend compte qu'à tel moment, Mendel était à cet endroit-là, qu'à tel moment, il sera là-bas. Qu'est-ce qui se passe entre deux? Voilà, on reconstitue, on tisse la trame, si vous voulez bien. On va retrouver Menahem Mendel Slatkin. Il est effectivement plongé assez rapidement dans ses ouvrages. Est-ce qu'on sait un peu comment il procède? Est-ce que la fortune qu'il acquiert en tant qu'assureur, qui a désormais maintenant un pignon sur rue, il l'emploie la plupart du temps à son violon dingue, en l'occurrence des achats? Si c'est le cas, est-ce qu'il a des endroits particuliers où il se fournit, ou bien il furette partout, et qu'est-ce qu'il cherche? Il a gardé de son père ce goût pour la littérature religieuse, si vous voulez bien, la littérature hébraïque. La collection paternelle était déjà relativement importante. Il va la continuer, évidemment. Mais à côté de ça, il s'intéresse à d'autres choses. Il s'intéresse au roman, à la poésie, à différents styles littéraires. Il s'adonne à sa passion dans les librairies de Rostov-sur-le-Don, notamment. Ainsi, certainement, on peut l'imaginer dans d'autres villes qu'il fréquente. Mais là, c'est rentré trop dans le détail. Les sources n'ont pas gardé de traces de ces éléments-là. On sait, quoi qu'il en soit, qu'en 1905, il a une collection de livres époustouflante. Et ce sera d'ailleurs l'un de ses problèmes quand il va quitter Rostov-sur-le-Don pour venir en Suisse. Oui, c'est jamais facile dans les déménagements. Et voilà, les cartons de livres sont toujours très très lourds. Déjà à l'époque. Et certainement peut-être encore plus lourds d'ailleurs. Et voilà, on n'en sait pas beaucoup plus en fait sur ses pratiques et sa manière d'acquérir ses livres. En tout cas, donc une bibliothèque extrêmement importante, mais qui va d'une certaine manière également lui servir, malheureusement. Puisque après avoir acheté, il va passer à la vente. Alors bien après. Son argent, il le sert à ses livres, mais pas uniquement. Il fait également des investissements dans la bourse et dans des affaires locales à Rostov, à Moscou, dans différents endroits russes. Bien mal lui en prend, parce que évidemment, avec la révolution de 1917, Mendel Slatkin va tout perdre. Ça, c'est un petit peu plus tard. Restons encore un moment sur la première partie de sa vie. Je me suis interrogé sur, et c'est peut-être d'ailleurs l'école de la rue également, qu'est-ce qui a fait qu'il maîtrisait autant de langues. Est-ce que ça tient à la fois de l'apprentissage qu'il a pu recevoir auprès de ses précepteurs et maîtres, mais est-ce qu'également la multiplicité des communautés environnantes a facilité cette acquisition-là, ces acquisitions? Oui, alors, il y a d'une part cette espèce d'univers polyphonique que représente Rostov à ce moment-là, avec toutes ces communautés de mondes, d'univers différents. Il y a aussi la tradition paternelle. Son père rabbin était extrêmement cultivé, lui-même parlait plusieurs langues. Et puis on a un carrefour de civilisation, toute cette région entre l'Ukraine, la Crimée. Beaucoup de gens parlent l'allemand, par exemple, de nos jours encore. D'autres parlent évidemment le russe. La Turquie n'est pas loin. Donc c'est des langues qui sont très proches les unes des autres, les gens passent d'une culture à l'autre, et certains, comme Mendel, c'est son cas, ont des facilités d'apprentissage. Christophe Villemy, on va se retrouver demain, parce qu'avec vous, évidemment, le temps passe vite, surtout quand il s'agit de sujets aussi passionnants comme ceux-ci. Donc on poursuivra avec vous le parcours de Slatkin, un parcours qui l'amènera, évidemment, on s'en doute, à quitter une Russie en tumulte, et pour une arrivée sur le territoire que nous connaissons bien, à savoir ici même en Suisse. À demain donc. Merci. Demain, la suite de cette évocation avec un nouvel entretien, cette semaine est réalisée par Christian Morero. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc et Frédéric Pfiffer, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Christian Morero. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première, il est 14h.